Unité 3, leçon 2, exercice d'écoute. Numéro 8, page 134. Il est super ce film, non? Ah, moi avec la guerre du feu, je m'attendais pas à ça. J'avais peur que ça fasse un peu reportage sur la préhistoire. Et puis non, ça m'a beaucoup plu. Moi alors, ça m'a passionné du début jusqu'à la fin. On comprend bien le chemin qu'il a fallu parcourir pour apprendre à faire du feu. Oui. On sent bien toute l'importance que les primitifs accordaient au feu. Ils le protégeaient, ils l'entretenaient, ils allaient le voler et même l'éteindre chez les ennemis. Oui, le feu pour eux c'était la vie, c'était magique. Mais il y avait aussi autre chose qui est très bien rendue, c'est la fragilité et l'impuissance des hommes. Vous avez vu tous les dangers que les hommes couraient? Ils sont poursuivis par les lions, avant ça attaqués par les loups. L'un d'eux est blessé par un ours. Et c'est pas tout. Au moment où il trouve un feu éteint, sous la cendre, il découvre un crâne d'homme. Oui, ils sont tombés sur des cannibales. Ils devaient constamment se défendre. C'était la lutte permanente pour la vie. Et quand on les voit avancer tout petits dans la vallée et dans la savane, on a bien l'impression qu'ils sont perdus dans une nature immense et hostile. C'est vrai que les paysages sont bien choisis de ce point de vue-là. Et puis la mise en scène est pas mal réussie, je trouve. Ça devait pas être évident de reconstituer cette époque-là. Pourtant, avec les costumes en peau de bête, les peintures de guerre, les gestes et le langage des tribus, on a vraiment l'impression d'être en pleine préhistoire. Il faut reconnaître aussi que les acteurs jouent bien. Ils parlent une langue inconnue, mais on comprend tout, grâce à leurs gestes, aux expressions, aux mimiques. Il y a autre chose encore qui est très intéressant. Le guerrier qui est le héros devient de plus en plus humain. Au début, il est bestial et primitif, et puis il évolue en découvrant l'amour et la tendresse. Oui, il découvre pas seulement le feu, mais aussi une tribu plus civilisée. Et vous remarquerez que c'est grâce à une femme qu'il découvre les sentiments, le feu, un peuple plus évolué et même le rire.